Face aux défis de notre époque, avez-vous les clés pour comprendre le monde qui nous entoure ? Économie, droit, intelligence artificielle, management, transition écologique ? Avec Dauphine Éclairage, le nouveau média scientifique en ligne, découvrez l'actualité décryptée par les chercheurs de l'Université Paris-Dauphine PSL. Grand dossier, podcasts, articles, vidéos, l'expertise universitaire accessible à tous. Dauphine Éclairage, comprendre le monde, éclairer l'avenir. Rendez-vous sur le site dauphine.psl.eu. La science CQFD, Natacha Triou. Pour ce jeudi grand portrait, nous avons la chance de recevoir celui qui est en train de construire toutes les infrastructures et la stratégie spatiale de son pays, l'astronome sénégalais Maram Kéré est notre invité. Grâce à lui, le Sénégal prend son envol pour l'espace. Le pays va franchir une étape cruciale avec le lancement imminent de GuindSat, son premier nanosatellite conçu par des ingénieurs locaux. Acteur majeur des sciences astronomiques de l'Afrique de l'Ouest, il a créé en 2023 l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Astronome passionné, il incite une nouvelle génération de scientifiques à se tourner vers les étoiles et à s'inviter à la table des nations spatiales. Maram Kéré, l'étoile du Sénégal. Maram Kéré, bonjour. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation sur France Culture, c'est un honneur. Vous êtes ingénieur, astronome, vulgarisateur, directeur de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie et commandeur de l'Ordre national du Lion. Merci à vous d'être là et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur Twitter pour notre live tweet, riche en ressources complémentaires. C'est tout de suite sur notre fil @sciencesqfd. Alors comment votre vocation, Maram Kéré, est-elle née ? Quelles ont été vos collaborations avec la NASA ? Quels sont les objectifs que vous défendez au Sénégal et à l'international ? Et comment l'Afrique est-elle en train de faire de grands pas dans le domaine du spatial ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence par le commencement, quand l'espace a commencé à vous faire rêver. On se place sous les auspices de Hubert Reeves, c'est notre archive du jour. Alors aujourd'hui, vous publiez un livre qui a un très beau titre, emprunté à Paul Valéry, Patience dans l'azur, vous avez un succès qui est considérable et j'ai l'impression, ou j'ai le sentiment plutôt, que les scientifiques, vos amis, vos collègues, vos confrères, ne sont plus totalement d'accord avec vous, car vous devenez un vulgarisateur. Vous êtes passé du mauvais côté de la barrière. Je ne sais pas. Je n'ai pas rencontré ce sentiment vraiment, puisque de plus en plus on insiste. Et je sais que dans le colloque sur la science et technologie, Monsieur Chevènement, à la suite du président, a beaucoup insisté sur l'importance de la vulgarisation. On veut même amener la vulgarisation comme une tâche normale du scientifique, c'est-à-dire faisant partie de ses attributions et de ses devoirs. Je suis entièrement d'accord, non seulement parce que c'est notre devoir vis-à-vis de la société, mais aussi parce que personnellement, je me suis aperçu, en essayant d'expliquer les choses très simplement, je me suis souvent rendu compte que je les comprenais très mal. C'est-à-dire que pour moi, c'est une démarche très positive. Il y a une phrase d'Einstein qui dit ceci, « Si vous ne pouvez pas expliquer ce que vous faites à votre fille, c'est parce que vous ne le comprenez pas bien. » Et je m'en suis rendu compte très souvent. J'ai rencontré souvent des groupes d'enfants, d'adolescents, j'ai essayé de leur expliquer, de leur faire des conférences d'astronomie, et je suis souvent pris de court par leurs questions, j'essaie de répondre, je m'embourbe, et après, en y repensant, je me dis, mais oui, j'avais pas bien compris, et en essayant de le formuler pour qu'ils le comprennent, je me rends compte que je suis amené à aller beaucoup plus loin. Vous vous rendez compte qu'il faut repenser, et qu'il faut aller jusqu'au fond des choses, et c'est très productif sur le plan même de la recherche. La voix de Hubert Reeves à propos de son livre « Patience dans l'azur » dans l'émission Radioscopie sur France Inter en 1982. Maram Kéré, Hubert Reeves, ça a été la source d'inspiration pour vous aussi, il me semble. La source d'inspiration est un extrait qui me rappelle beaucoup de bons souvenirs. C'est vraiment triste, effectivement, de perdre une personne de la dimension de Hubert. Mais c'est d'autant plus difficile pour une personne comme moi qui l'a très tôt adopté comme source d'inspiration et bien entendu c'est passé par Patience dans l'azur. Donc c'est une très belle surprise que vous me faites de passer cet extrait et j'écoute sa voix, je retrouve principalement deux choses D'abord, ce choix porté vers la vulgarisation, et ça a été un choix assez rapidement pris à mon niveau. Très tôt, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire, parce qu'il avait cette magie, cette faculté à faire passer le message vraiment avec les mots qu'il fallait. Et j'ai pensé que ce serait en tout cas un levier extrêmement important pour le développement des sciences ici au Sénégal et en Afrique un peu plus tard. Et l'autre élément qui me vient à l'esprit, c'est nos discussions. On a reçu Hubert Reeves ici pendant l'année mondiale de l'astronomie en 2009. Il a passé une semaine à Dakar avec nous et je revois donc nos promenades sur la plage de Saint-Louis, la ville de Saint-Louis, l'ancienne capitale du Sénégal, où nous avons marché donc au coucher du soleil, parlé de questions relatives à la cosmologie, à l'astrophysique. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué. Vous avez le souvenir d'une discussion particulière justement avec Hubert Reeves à Dakar ? Alors, il y en a beaucoup. J'ai compris en fait qu'au moment où il arrivait à Dakar, il était très tourné vers la protection de l'environnement. Donc, il m'avait demandé vraiment de prendre mon bâton de pèlerin et de commencer au-delà de l'astronomie. Il faut, Maram, que tu penses à défendre l'environnement. Donc ça, effectivement, il me le rappelait souvent. Et on a beaucoup parlé de la formation du système solaire. Et je lui disais en fait que je ne serais pas étonné qu'on soit à l'aube de nouvelles surprises au moment où on découvre de plus en plus de grosses planètes, donc ces géantes gazeuses qui sont relativement assez proches de leur étoile, ce qui n'était pas prévisible dans les scénarios classiques où on pensait que c'était voilà, des astres qu'on devrait retrouver au niveau de l'orbite de Jupiter et au-delà, mais retrouver des géantes gazeuses qui soient très proches de leur étoile de formation, ça nous amènerait, je pense, à revoir le modèle même de formation de notre propre système solaire. Donc, on a eu une très longue discussion sur ça. Ça va être difficile de revenir sur les différents points qui ont été évoqués, mais c'est un sujet, en tout cas, qui m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, je pense, avec le modèle de Nice et autres, c'est des choses qui sont d'actualité. Et on verra au cours de cette émission comment vous avez participé également à mieux comprendre l'origine de notre système solaire avec les missions pour la NASA. Mais d'abord, je continue sur votre parcours. Maram Khéré, vous êtes née à Dakar en 1978. Vous êtes le personnage principal d'un documentaire excellent qui s'appelle « Les chasseurs d'étoiles du Sénégal » qui a été réalisé par Ruth Berry en 2023. Et dans ce documentaire, vous racontez qu'à l'âge de 12 ans, vous avez construit votre premier télescope. Oui, alors ça a démarré à l'âge de 12 ans avec, vous savez, quand vous essayez, la technique, c'est jamais acquis du premier coup. Donc, ça m'a pris peut-être un an et demi pour finaliser ce télescope, mais nous avons quand même pu le faire. Il faut rappeler que c'est parti en fait des frustrations. Et pour la petite histoire, j'aime bien rappeler qu'à l'époque, en fait, mon papa avait l'habitude, c'est un administrateur civil, donc il avait l'habitude parfois, pendant ses périodes de congé, de sortir du Sénégal pour quelques semaines de vacances. Et il nous demandait donc qu'est-ce que nous voulions qu'il nous rapporte comme souvenir. C'était une paire de chaussures, c'était un vêtement et autres. Alors, chacun faisait sa liste, mes petits frères et moi, et le premier élément que je mettais sur ma liste, c'était un télescope. Alors, il avait l'habitude de me demander immédiatement un stylo après avoir vu ma liste pour barrer le télescope en me disant « ça, je n'achèterai jamais, c'est des trucs de fou ». Donc, ça a démarré comme ça, ça a été une série de frustrations, 2-3 ans. Et par la suite, je me suis dit « bon, écoutez, un télescope, ça ne doit pas être compliqué ». Je suis tombé sur un ouvrage qui s'appelait « Tout l'univers ». Et dedans, il y avait le principe de fonctionnement donc d'un télescope. Et j'ai demandé tout simplement à ce qu'on me trouve juste le miroir principal. On m'a ramené donc d'un voyage le miroir principal et le reste, voilà, j'ai construit. Et ça a été, je pense, un bonheur immense de pouvoir le terminer. Mais de pointer ça sur la Lune, voir que ça fonctionne, ça, je pense que ça a été le gros défi, le gros challenge. Donc, c'est parti effectivement à partir de cette période. Mais ce goût de l'astronomie, est-ce que vous avez été soutenu par votre famille, par vos proches? Parce qu'au Sénégal, à l'époque, ce n'était pas du tout enseigné. Non, et d'ailleurs jusqu'à présent, je pense qu'il y a quelques séquences qui sont à l'ordre du jour dans le programme scolaire. On parle du système solaire en classe de sixième et rapidement en classe de seconde, mais en dehors de ça, c'est pas réellement dans le programme scolaire. Alors j'étais très tôt porté vers ça. De nature, je m'ennuie très vite. Et en dehors du dessin que je faisais, je pense que observer les étoiles est la seule chose pour laquelle je ne m'ennuyais pas. Donc j'ai passé ma jeunesse à regarder les étoiles, essayer de reconstituer les différentes constellations. Ça commence par ça parce qu'il n'y avait pas d'instrument. Ensuite, l'acquisition d'une première paire de jumelles, la fabrication du télescope. Mais tout ça, c'est des moments pour lesquels vous êtes vraiment dans la solitude, en fait. Déjà, dans l'entourage proche, il n'y a pas plus de deux personnes qui comprennent ce que vous voulez dire. Quand vous demandez à quelqu'un de venir observer avec vous tout de suite l'éclat de la Lune qui est dans le ciel, c'est très joli, viens voir. On te dit oui, mais moi j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps pour ces choses. Quand vous parlez des constellations, on vous dit mais vous allez finir par perdre la tête, vous restez là à compter les étoiles. Donc c'est des choses que vous vivez. Mais je pense que l'élément fondamental, en fait, c'est la passion. Je pense que on ne choisit pas forcément. Et une fois que cette passion, elle s'installe, c'est très difficile de l'enlever. Et on a maintenu, je pense, depuis cet âge de 12 ans, la lecture a beaucoup aidé. Patience dans l'azur, ensuite des astres de la vie des hommes. C'est le second ouvrage vraiment que j'ai gardé à côté de moi pendant toute cette période de jeunesse. Et de plus en plus, on approfondit, donc la bibliothèque s'agrandit. On apprend et plus on en connaît et plus on a envie vraiment de creuser davantage et depuis ça n'a pas arrêté. Voilà, donc c'est un peu ce qui est raconté dans Chasseur d'étoiles du Sénégal qui, il faut le dire, depuis sa sortie quand même a fait pas mal de bonnes réalisations. On a obtenu 4 prix déjà avec ce film. Alors il devait être au départ un film biographique, mais on a voulu vraiment approfondir et aller un peu plus en détail dans l'histoire de l'astronomie ici au niveau du Sénégal, parce qu'il y a des traces que nous avons trouvées et par la suite montrer la relation qu'il y a entre la civilisation musulmane qui étudie ça également pour d'autres, la mesure du temps. Oui, dans le documentaire, on vous voit faire un travail important de sensibilisation sur le terrain. Vous organisez des séances d'observation du croissant lunaire pour les fêtes religieuses musulmanes, Marine Kay. Vous dites d'ailleurs dans ce documentaire que c'est une tâche délicate. Extrêmement délicate parce que vous touchez la foi des personnes en fait et c'est des choses sur lesquelles c'est extrêmement sensible. Nous n'avons pas cherché, je pense, à nous immiscer dans un débat qui est là depuis plusieurs décennies, voire même un siècle déjà. Ce qui se passe en fait, c'est que la vie d'un musulman est organisée autour de la maîtrise du calendrier lunaire. Donc, plus on a de la précision, et plus les événements peuvent être fixés avec une certaine précision. Alors, ça va vraiment dans tous les détails, que ce soit les dates pour le pèlerinage, que ce soit pour le mois de Ramadan, et ainsi de suite. Alors, ce que nous avions constaté en fait, c'est que il y avait une situation un peu, on va dire, dispersée sur les notions de circonscription de l'observation du croissant. Est-ce qu'on regarde le croissant uniquement dans les frontières du Sénégal? Est-ce qu'on regarde ce qui se passe dans la sous-région? Est-ce qu'une information qui viendrait de l'Arabie Saoudite serait fiable? Ainsi de suite. Et à un moment donné, donc, on a été sollicité tout simplement par une frange de la population qui a demandé à ce qu'on apporte des précisions, des informations relatives aux éphémérides, qu'on puisse dire à quel moment nous pensons que la Lune, le premier croissant, peut être observé depuis la position donc au niveau du Sénégal. Alors, ce qui était vraiment important à ce niveau, c'était enlever une certaine frange d'erreur qui souvent arrivait, des gens qui annoncent avoir vu un croissant alors que ce croissant s'est couché avant le soleil. Donc, quand on cherche le croissant lunaire, on le fait après le coucher du soleil, donc pour le premier croissant. Mais quand des gens annoncent avoir vu un croissant à 16 heures alors que le soleil se couche à 19 heures, ça devient délicat. Et c'est vraiment pour lutter contre ces erreurs, en fait, que nous avons fait ce travail de vulgarisation, donner l'information par rapport aux éphémérides. C'était difficile au début parce que certaines personnes pensent que la science devrait rester vraiment éloignée de cette question de croissant lunaire. Mais quand vous parlez de croissant lunaire, vous parlez de la Lune. La Lune, c'est un astre. Quelle science étudie l'astre qu'est la Lune? C'est l'astronomie. Donc, c'est tout à fait normal, en fait, que nous donnions les éphémérides. Maintenant, comment y aller pour que les gens puissent accepter l'information scientifique sans pour autant être heurtés dans leurs croyances? C'est toute la délicatesse qu'il y avait. Et nous avons essayé d'y aller vraiment progressivement, lentement, et montrer que nous n'étions pas là pour changer les croyances de qui que ce soit, mais pour donner une information scientifique qui est vérifiable, qu'on soit en Australie, qu'on soit à Paris ou à Dakar, que ces éphémérides sont les mêmes qui nous servent aujourd'hui à prévoir nos séances d'observation pour les éclipses. On annonce des éclipses au Sénégal, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord. Et le jour J, tout le monde sort pour observer l'éclipse telle que c'est annoncé par les astronomes. Donc, de la même façon, nous pouvons être en mesure de vous dire que la Lune se couche à telle heure et que vous puissiez nous faire confiance. Donc, c'est un long travail et ça fait quasiment 12 ans, 13 ans que nous avons essayé d'accompagner la communauté musulmane à s'approprier de cet outil scientifique. Et ça commence à rentrer vraiment dans les habitudes. Ça a été montré effectivement dans ce film. Vous avez créé en 2006 l'Association sénégalaise de promotion de l'astronomie. Vous avez aussi participé à la création 2020 de l'Astronomie Afrique, le premier magazine web des sciences de l'univers sur le continent. Alors comment avez-vous participé aux missions de la NASA? Quelles sont ces missions pour lesquelles vous avez contribué au succès? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, nous avons la chance de nous entretenir une heure avec la tête de file des sciences spatiales sénégalaises, Maram Kéré. On vient de parler de la naissance de votre passion pour l'espace, de votre implication dans le développement de l'astronomie dans votre pays et sur le continent. Maram Kéré, vous avez organisé et coordonné 3 missions d'observation d'occultation stellaire dans le cadre des missions spatiales New Horizons et Lucie. Un mot sur New Horizons, la sonde de la NASA qui a été lancée en 2006. On peut peut-être rappeler ensemble quelles sont les missions justement de cette sonde qui explore une région du système solaire bien particulière. Alors, New Horizons, effectivement, ça a été une très très belle mission parce que ça permettait à la communauté scientifique d'aller explorer des endroits qui étaient restés vraiment jusque-là hors de portée. Ça a été Pluton, qui jusqu'à récemment était considéré comme la dernière planète du système solaire. Donc, cette sonde a été envoyée pour aller visiter donc la planète Pluton et au-delà donc la ceinture de Kuiper qui est dans cette zone où Pluton se situe. Donc, la mission a été initialement prévue pour Pluton et au-delà donc la ceinture de Kuiper. Alors, ça a été une belle réussite. On a eu les images les plus détaillées jamais observées de Pluton, de son cortège de satellites. Juste après, la sonde qui était en très bonne santé, bien entendu, on devait pouvoir continuer à l'exploiter. Et les équipes de la NASA donc ont décidé de trouver une nouvelle cible. Et Marc Bouy, donc qui est au niveau du Southwest Research Institute dans le Colorado, donc à Boulder, a programmé une nouvelle destination donc pour la sonde New Horizons. Et ça a été un objet donc 2014 MU69, donc qui portait à l'époque le très joli nom de Ultima Thule, et qui se trouve donc être un objet dans la ceinture de Kuiper, donc un petit astéroïde qui était à 6 milliards de kilomètres de nous à l'époque. Alors, il fallait, dans ce contexte, avoir la plus grande précision possible pour se rapprocher au plus près donc de cet objet. Ça veut dire quoi? Que nous ayons une bonne connaissance de la trajectoire donc de Ultima Thule à l'époque, que nous ayons également des informations sur sa taille et sa forme. Parce que quand vous envoyez une sonde qui voyage dans le système solaire à une vitesse extraordinaire, vous n'avez pas une seconde chance. Donc, c'est approcher l'objet au plus près sans ce risque, en fait, de collision, ni le risque également de s'en éloigner suffisamment pour qu'on n'ait pas les mesures dont on a besoin. Donc, ce calcul qui est très, très précis n'est possible aujourd'hui que grâce au soutien de ces missions d'occultation stellaire qui sont menées un peu partout à travers le monde. Ça permet vraiment de renforcer les informations que nous disposons par rapport à la trajectoire de l'objet, mais également par rapport à ses dimensions et sa forme. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que par chance, quand vous faites une occultation stellaire, vous profitez donc d'un moment où cette petite éclipse va se produire, c'est-à-dire que l'objet que vous avez comme cible, ici c'était donc cet astéroïde à 6 milliards de kilomètres, va passer entre une étoile au loin et nous. Donc il utilise les télescopes, les données du télescope spatial Gaia pour pouvoir prédire avec précision la zone dans laquelle il faut se trouver pour assister à une éclipse entre notre cible, l'astéroïde, et l'étoile donc qui sera déterminée. Et en faisant ce calcul, on s'est rendu compte que la bande donc où il fallait se positionner pour assister à cette éclipse qui dure, il faut le rappeler, entre 1 et 2-3 secondes au maximum parfois, partait de l'Amérique latine, donc par la Colombie, traversait l'océan Atlantique et rentrait en Afrique par le Sénégal. Alors, ce qui s'est passé historiquement, c'est que Marc Buy et Alan Stern, qui étaient les responsables de cette mission, ont rencontré un ami qui s'appelle David Baratou, donc un planétologue qui est à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, dans une rencontre donc en Afrique du Sud. Et il lui disait qu'ils ont cette éclipse qui va se produire, cette occultation stellaire. Ils veulent pouvoir l'observer parce que c'est crucial par rapport à la poursuite de la mission, mais il n'avait pas de connaissances dans cette zone d'Afrique de l'Ouest pour pouvoir mener ces missions. Et c'est là où David a dit, écoutez, moi je connais quelqu'un qui a mis en place une association qui a cette pratique de l'observation depuis très longtemps et qui pourrait vous aider à tenir cette mission. Donc le contact a été établi comme ça et la machine s'est mise en marche quand Marc Buy m'a contacté par écrit. J'ai tout de suite dit oui. Nous n'avions pas encore fait d'observation d'occultation stellaire, mais on s'est engagé à le faire. Sachant que c'était une mission importante, ils ont amené une équipe à peu près de 45 personnes. J'ai demandé à ce qu'on puisse faire bénéficier de l'expertise internationale de jeunes Sénégalais donc qui puissent participer à la mission. Et ça a été vraiment une très grande logistique. On a déployé 21 télescopes, où chaque télescope avait une équipe de 3 personnes, donc 2 qui venaient de l'international, plus un jeune Sénégalais, des doctorants, des profs d'université, que nous avons mis dans le dispositif. Et donc Marc m'a demandé de coordonner cette mission. On devait s'assurer que tout fonctionne parfaitement. C'était délicat parce que ça s'est passé en période d'hivernage. Et vous savez, quand il pleut, vous pointez 21 télescopes, les nuages qui passent, la pluie qui peut tomber à tout moment. Ça a été une mission extrêmement difficile parce que c'était la première de ce genre. Mais heureusement, nous avons pu, au moins sur les 21 télescopes, je pense qu'il y en a 2, malgré la pluie, qui ont pu capturer ce moment précis où Ultima Thule est passé devant l'étoile. Et au final, en compilant les données avec ce qui avait été fait dans le passé par rapport à cet astéroïde, on a pu déterminer sa forme. Et une découverte majeure, c'est que on venait d'avoir la photo lors du survol le 1er janvier 2019, quand Ultima Thule a été survolé, on a pu faire tout de suite une parfaite corrélation entre ce que les occultations avaient donné et sa forme définitive qui a été photographiée. Donc la particularité, c'est qu'on venait de voir 2 objets, donc 2 gros cailloux qui étaient collés, soudés par un petit nœud. Et ça, c'était la première fois qu'on avait une telle configuration dans le système solaire photographié. Donc l'occultation a permis non seulement de faire ce rapprochement, mais ce qui a été prédit par les données récoltées a été conforme avec ce qui a été observé par la sonde. Donc ça a été la première mission, une mission réussie, et qui a permis après de gagner peut-être la confiance de la NASA pour les missions qui ont suivi. Parce qu'après, vous avez fait 2 autres occultations pour la NASA, en effet. Fin septembre 2020, vous observez l'astéroïde lointain Polymel, puis en 2021, vous enregistrez l'occultation d'Horus. Ça, c'est un des astéroïdes cibles pour une autre mission très importante, la mission Lucy. C'est ça, exactement. Et Lucie, qui s'annonce déjà comme étant l'une des plus belles missions, je pense, dans l'exploration du système solaire, quand vous voyez en fait la trajectoire en forme de 8 qui est prévue pour aller visiter, donc c'est une sonde qui va aller visiter les astéroïdes troyens qui partagent la même orbite que la planète Jupiter, donc de part et d'autre de la planète, et c'est une très belle trajectoire qui a été définie pour que l'astéroïde aille rencontrer un groupe donc de 8 astéroïdes du système solaire. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la première mission était en pleine pandémie de Covid, en fait. Nous étions donc dans une situation très délicate où les frontières étaient quasiment fermées. On a été saisi. Marc m'a appelé, Marc Buy, donc en me disant, nous avons une nouvelle opportunité pour la mission Lucie. Malheureusement, on ne peut pas se déplacer. Et je ne voudrais pas rater cette opportunité parce que ça nous donnera des informations sur Polymel, qui est un des astéroïdes majeurs par rapport à la mission donc de Lucie. Et après 2-3 discussions, je lui ai dit, écoute, nous, on peut prendre la responsabilité de faire cette mission. Ils ont envoyé donc une tonne et demie de matériel que nous avons réceptionné, monté les équipes, et toujours avec la collaboration de l'équipe française qui a pu se déplacer. Donc, c'est le lieu de citer notre ami l'astrophysicien Éric Lagadec, Mamadou Ndiaye de l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui ont pris part à la rencontre, une astrophysicienne belge, Catherine Collenberg, François Collat, je pense, de l'Observatoire de Paris, Sylvain Boulet, de la Société Astronomique de France, donc et David Baratou dont je parlais. Donc il y en a 6, je pense, qui pouvaient, au-delà des restrictions qu'il y avait par rapport à la pandémie, prendre le risque de se déplacer, donc qui sont venus. Et avec 21 Sénégalais, nous avons monté cette deuxième mission. Alors on a pu observer également les informations dont nous avions besoin par rapport à Polymel, et ça a beaucoup servi également à la suite de la mission. Alors cette condition qui nous a permis, je pense, de tenir la deuxième mission quasiment de façon, on va dire, autonome par rapport à la NASA, a permis tout de suite d'envisager la troisième mission pour Horus, l'astéroïde Horus, qui fait partie donc des 8 que Lucie doit visiter. Et là, la question ne s'est même pas posée. Marc m'a juste demandé avec David Baratou, est-ce que vous êtes prêt à tenir cette mission? On a dit oui. Et c'est le même dispositif qui a été reconduit. Donc, la particularité maintenant de la mission avec Horus, c'est que nous avions une étoile qui n'était pas très faible de luminosité, de magnitude. Donc, la cible était facilement détectable. On n'avait pas besoin de beaucoup de télescopes. Donc, on a déployé 10 télescopes. Et comme un petit challenge, un petit défi, Marc Buy m'a dit, si un seul des télescopes arrive à capturer ce moment, c'est une réussite, parce que nous aurons déjà la confirmation que la trajectoire de l'objet est bonne, que le modèle mathématique que nous utilisons est parfait, quasiment, en tout cas pour avoir cette précision que nous cherchons. Et le soir de l'occultation, les 9 télescopes ont capturé le moment où l'astéroïde donc était devant l'étoile pour masquer sa luminosité pendant 2 secondes et demie. Le 10e télescope qui ne l'a pas capturé n'était pas une mauvaise information, bien au contraire, ça nous a permis de délimiter la taille de l'objet. Si l'astéroïde était un peu plus grand, ce 10e télescope allait le capturer. Donc le fait de savoir que ça s'est arrêté au 9e télescope, ça veut tout simplement dire que la taille de l'astéroïde atteint telle ou telle dimension. Et ça nous a permis donc d'avoir rapidement une carte de la forme de l'astéroïde Horus. Et aujourd'hui, nous sommes tous scotchés derrière nos écrans à attendre 2028, quand Lucie va commencer à survoler donc Horus. Et c'est une belle mission qui continue jusqu'en 2033. Et juste finir par dire ce que Marc m'a marqué sur un livre en me disant, quand vous verrez ces images de ces astéroïdes vestiges de la formation du système solaire, rappelez-vous que vous avez aidé l'humanité à aller aussi loin dans le passé. Et ça, je pense que c'est une belle contribution que le Sénégal a pu apporter pour ses missions spatiales. Alors, ces occultations pour la NASA, pour vous, Maram Kéré, ce n'est qu'une partie d'une plus grande mission, construire une agence spatiale du Sénégal. Comment l'Afrique est-elle en train de faire de grands pas dans ce domaine? Comment avez-vous mené cette mission? Restez avec nous, on en parle après avoir écouté votre sélection musicale. We know the battle ahead will be long, but always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created. J'ai fait le rêve que le peuple s'élèvera dans mon rêve. Cette fille s'élèvera dans mon rêve. Une fille s'élèvera main dans la main. La mère s'élèvera dans mon rêve. C'est des noirs et des blancs, c'est des jaunes et des rouges. Tout est plein de couleurs, des jaunes et des rouges et des noirs et des blancs. Dans mon rêve, y'a pas d'homme qui est dominé, pas de peuple qui est dominé, pas de terre qui est dominée. Et l'état tout c'est la haine est dominée. Dans mon rêve, des colons éliminés, colonies éliminées. J'abolis les colonies d'années de la terre, toutes les colonies dans mon rêve, le raciste éliminé, xénophobe éliminé, homophobe éliminé, antisémite et éliminé. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Je visite Farafina, depuis le Caire, le Cap, le Massina. Dans mon rêve, moi je quitte de Dakar, Bamako, Ndiamena, Dar et Zanzibar. Dans mon rêve, on annule les visas, tous les pays de l'Afrique sans visa. Même l'Europe élimine les visas, l'Asie, l'Amérique abolit les visas. Dans mon rêve, plus de guerre pour le pétrole, plus de guerre pour le diamant, plus de guerre pour de l'or. La guerre subit ne fait plus tant de morts. Dans mon rêve, je ne suis pas le rêveur, je ne suis pas l'utopique. Le rêve est réel, l'utopie est le rêve. I have a dream. Didier Avadi, dans mon rêve en direct sur France Culture, car nous parlons des rêves de Maram Kéré, avec qui nous avons la chance de nous entretenir tout au long de cette heure. Ingénieur, astronome, vulgarisateur, directeur de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie et commandeur de l'Ordre national du Lion. Maram Kéré, très rapidement, pourquoi avoir choisi ce morceau musical ? Écoutez, comme vous le dites, en fait, j'ai toujours été taxé de rêveur. Quand j'étais petit, quand je parlais de ce qu'on pouvait faire avec les sciences en général, on me disait « oui, bon, passe ton temps à rêver ». Et fondamentalement, les rêves sont la base de la réalité. Ça, j'y crois fermement, d'une part. D'autre part, les paroles, en fait, de cette chanson, je pense, résument l'idéal auquel nous devons tous aspirer. C'est de travailler tous ensemble. Cette collaboration qui se traduit aujourd'hui à travers ces missions que nous avons menées pour le compte de la NASA, où vous avez les Français, vous avez les Belges, vous avez les Sénégalais, vous avez des Américains, vous avez des Burkinabés. Pour moi, c'est comme ça que l'humanité doit évoluer, que nous nous mettions tous autour de la table, sans complexe, sans complaisance, et qu'on puisse regarder droit dans les yeux et travailler ensemble. Et c'est ce qui se traduit dans cette chanson. Je pense qu'il faut qu'on ait un idéal qui nous permette, je pense, de vivre dans un monde meilleur. Et ça, j'y crois fermement. Je ne veux pas passer, comme il le dit, pour le rêveur uniquement, pour l'utopiste, mais nous l'avons expérimenté à travers donc ces missions pour l'exploration du système solaire. Nous l'avons expérimenté en mettant en place tout un réseau pour le développement de l'astronomie sur le continent. Nous sommes en train de l'expérimenter avec la mise en place de l'agence spatiale. Donc, quand on a l'intime conviction que nous pouvons faire des choses, il ne faut pas hésiter. Et ça, c'est l'aspect collaboratif de la science. Vraiment, je tiens beaucoup à cet aspect et cette dynamique. Et c'est ce qui se traduit dans cette chanson. Maintenant, je parle du volet scientifique. Mais c'est valable pour tout le reste. On devrait peut-être revoir un peu comment on collabore les uns avec les autres, qu'il y ait un peu plus de franchise dans les relations. Ça nous permet, je pense, d'atteindre nos objectifs et que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde, comme on dit. L'aspect collaboratif de la science, justement, vous êtes une source d'inspiration pour une nouvelle génération de chercheurs, et notamment pour Mamadou Ndiaye, chercheur CNRS au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Il étudie les exoplanètes qu'il traque grâce au James Webb Space Telescope. S'il a choisi cette voie, c'est en partie grâce à vous, Maram Kéré. Alors, comme vous, il s'implique dans le développement de projets collaboratifs avec des instituts de recherche en Afrique en astrophysique. Le but est de renforcer les programmes de coopération entre les chercheurs européens et africains sur le long terme. Moi, je suis né à Nice, de parents sénégalais, et en fait, ma passion pour l'astronomie, elle est probablement née lors de mon premier voyage au Sénégal à 5 ans. En fait, je suis allé au village natal de mes parents, Anguit, à côté de Linguère, qui se trouve à l'est de Dakar. Et en fait, la nuit, en fait, j'ai eu l'occasion de voir un ciel qui était parsemé d'étoiles, et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et qui a probablement fait qu'aujourd'hui, je travaille dans l'astronomie. Et donc, j'ai eu la chance de croiser Maram à l'occasion de campagnes d'observation qu'il menait depuis le Sénégal, et de me rendre compte qu'on avait en fait une passion commune pour l'astronomie et pour l'Afrique de façon générale. C'est à travers cette expérience un peu sensible d'observation du ciel et de la voûte céleste, à travers les activités de vulgarisation qu'il avait pu mettre en œuvre, qui a suscité votre curiosité et après votre vocation pour l'astronomie ? Alors, ma vocation, elle vient vraiment depuis tout petit. Et en fait, depuis 2019, je travaille avec mon collègue Éric Lagadeg à Nice sur le développement de collaborations de recherche en éducation et en médiation scientifique en astronomie avec l'Afrique. Et en fait, c'est ça qui nous a amené à rencontrer plusieurs collègues en France et en Afrique, poussés par la même idée. Donc, je pense notamment à David Baratou, à Sylvain Boulet, à François Collard, Catherine Kohlenberg, Zachary Kam et Marie Corsaga au Burkina Faso et Salma Silla au Sénégal pour ne citer qu'eux. Et j'ai eu la chance de faire la connaissance de Maram Kéré qui pilotait avec David Baratou des campagnes d'occultation stellaire d'astéroïdes qui étaient visibles depuis le Sénégal. Donc ça a été une mission qui a été copilotée par Maram et en fait j'ai été marqué par sa générosité à mener à bien ce projet, à le coordonner, à donner de la visibilité au Sénégal dans le domaine de l'astronomie et des sciences du spatial. Et l'autre aspect qui m'a également marqué et sur lequel je pense qu'on se rejoint, c'est vraiment sa passion pour l'astronomie, son travail pour la formation des jeunes, le fait de pérenniser les actions de formation et de recherche et de rendre l'astronomie accessible vraiment au plus grand nombre. Donc c'est vraiment une personne stimulante que j'ai rencontrée avec Maram et qui veut œuvrer vraiment pour le développement et l'éducation de son pays via l'astronomie et les sciences du spatial. L'astronomie, c'est un excellent point d'entrée en fait pour les sciences de façon générale et notamment les mathématiques, la physique, l'ingénierie et le fait de constituer une agence spatiale d'études sénégalaises. Ben, je trouve que c'est un projet qui est très ambitieux et qui peut permettre de dynamiser et de renforcer le développement de l'astronomie et des sciences du spatial pour le Sénégal. Donc du coup, j'en profite pour lui souhaiter beaucoup de succès dans sa mission et le remercier pour son engagement et pour la passion qu'il partage justement pour l'astronomie et les sciences du spatial. Et je lui souhaite beaucoup de succès. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer très prochainement ensemble de nouveau. Je le ferai avec grand plaisir. Voilà les mots de Mamadou Ndiaye, un témoignage recueilli par Céline Lozen que l'on retrouve dans quelques instants pour le reportage du jour. Maram Kéré, pour compléter ce qui vient d'être entendu, en 2023, vous avez créé l'Agence sénégalaise d'études spatiales. C'est la 22e agence de ce type créée sur le continent africain. Et elle va envoyer très prochainement un satellite. Le Sénégal va avoir son premier nanosatellite. Oui, tout à fait. Et pour rendre à César ce qui est à César, donc je voudrais peut-être dire que le président de la République a créé l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Nous l'avons accompagné dans cette décision historique de doter notre pays d'une agence spatiale et comme vous le dites, c'est la 22e agence qui est installée sur le continent et qui arrive à son heure. Alors, beaucoup de personnes en fait ont toujours pensé que le spatial était en dehors de nos urgences, de nos priorités, très très éloignées des réalités auxquelles les populations étaient confrontées. Et quand vous vous amusez en fait à faire une corrélation rapide entre ceux qui ont investi dans ce domaine du spatial de façon générale et aujourd'hui les pays qui sont quasiment les plus en avance par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable, vous voyez tout de suite qu'il y a une relation directe ou indirecte par rapport aux 17 ODD. Aujourd'hui, à l'international, la situation que nous avons vécue avec la pandémie COVID-19 a permis à tout le monde de comprendre la nécessité d'investir dans le téléenseignement. Aujourd'hui, c'est grâce à l'utilisation de la technologie satellitaire que nous pouvons arriver à relever les défis de connectivité que nous avons ici sur le continent pour atteindre les endroits les plus reculés et que les enseignements, apprentissages puissent arriver à l'élève ou à l'étudiant, peu importe sa position géographique. Donc, quand quelqu'un vous dit, écoutez, nous, notre priorité, c'est l'éducation, pas de disposer d'un satellite, la réponse, elle est toute faite. En fait, c'est grâce au satellite que nous pourrons effectivement assurer une bonne éducation, une éducation de qualité, qui est l'objectif de l'ODD numéro 4. Et il en est de même pour la santé, il en est de même pour l'agriculture, et ainsi de suite. Alors, au Sénégal, on a une tradition d'utilisation des données spatiales depuis un certain temps. Et ça également, c'est ce travail de vulgarisation qui fait parfois défaut, qui crée cette tension, en fait, au niveau des populations qui ne veulent pas comprendre l'apport des sciences spatiales. Alors, quelques exemples que je peux donner rapidement. Le suivi qui se fait aujourd'hui par rapport à l'avancée du désert, les changements climatiques, notre environnement, depuis une quarantaine d'années, le centre de suivi écologique utilise aujourd'hui des données satellitaires pour pouvoir apporter des réponses à ces questions. L'aménagement du territoire ici au niveau du Sénégal, de plus en plus maintenant, repose sur les cartographies grâce aux données satellitaires. Mais dans le passé, le Sénégal a joué un rôle extrêmement important dans le suivi des missions STS, donc de la navette spatiale américaine, toute navette confondue. Quand la navette décollait donc des côtes américaines et traversait l'océan Atlantique, c'est à partir de la station terrienne donc de Gandoul, qui est ici à peu près 45 km de Dakar, que se trouvait une antenne parabolique, donc à peu près de 33 mètres de diamètre, qui permettait de faire le suivi de la navette, donc le tracking de la navette, jusqu'à ce qu'elle s'éloigne donc à l'intérieur du continent, vers la corne de l'Afrique, donc où il y a le Kenya qui prenait le relais. Donc ça, c'est une histoire du Sénégal sur l'utilisation du spatial et quasiment les premières générations d'ingénieurs, de techniciens en télécommunication du continent africain ont été formés grâce à cette antenne. Le monde entier a pu suivre le fameux combat de boxe entre Ali, George Foreman et Mohamed Ali depuis le Congo, anciennement Zaïre. C'est grâce à cette antenne que le monde a pu bénéficier donc de ce spectacle. Et aujourd'hui, donc, quand on parle de spatial et que les populations ne comprennent pas, c'est peut-être parce que nous n'avons pas mis l'accent sur la sensibilisation. Et ça fait partie des missions que nous nous sommes fixées avec l'AZES, l'Agence sénégalaise d'études spatiales, d'aller rencontrer les populations, leur dire il y a un existant, mais au-delà de ça, les urgences que vous posez sur la table comme étant des priorités vont avoir besoin du spatial pour pouvoir être résolu. Mais montrer que faire du spatial, c'est un levier de croissance et de développement pour le pays, c'est l'une de vos missions avec l'ACES. Mais par rapport à ce que vous dites, par rapport au lancement de satellites, on peut également évoquer l'Agence spatiale africaine qui a été créée en 2023. 52 satellites africains ont été placés en orbite en 2022. 22 pays africains qui disposent d'une agence spatiale, on l'a dit. Ça veut dire aussi que ça redessine la géopolitique du secteur spatial. Tout à fait, c'est en ébullition. On peut dire que c'est un secteur qui est en ébullition et vous l'avez dit, en l'espace d'une vingtaine d'années, c'est plus d'une quarantaine de satellites qui ont été lancés. Il y en a 52 qui sont en orbite et ça n'arrête pas. La mise en place de l'Agence spatiale africaine va aider en tout cas à booster davantage ce secteur. De plus en plus de rencontres se tiennent pour définir la stratégie de l'Afrique par rapport au spatial. Quand on a créé l'agence, l'opportunité s'est présentée. Donc l'agence a été créée au mois de mars dernier, en mars 2023. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a tout de suite dit il faut mettre les moyens et ne pas limiter les ambitions de l'agence. Nous voulons faire du Sénégal une nation spatiale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu accueillir au mois d'octobre le premier forum sur le dialogue spatial entre l'Europe et l'Afrique. Donc imaginez la Commission européenne, la Commission de l'Union africaine qui se réunissent pendant 3 jours à Dakar au moment où l'agence venait juste d'avoir 7 mois d'existence pour décider de la collaboration, la coopération future entre donc l'Europe et l'Afrique dans le domaine du spatial. Et ça, c'est parce que c'est une question d'actualité qui n'est pas à différer. C'est tout de suite et maintenant qu'il faut prendre cette question du spatial à bras le corps. Les agences vont continuer à être créées. L'Agence spatiale africaine va jouer son rôle de coordination. Mais ici, au niveau du Sénégal, nous ambitionnons vraiment d'assurer un leadership, non seulement parce que nous avons besoin du spatial, mais comme le disait Momodou Ndiaye, ça va être un excellent catalyseur pour créer ces vocations auprès des jeunes par rapport aux sciences. Et bien entendu, la première étape, comme vous l'avez dit, dans le cadre des programmes spatiaux, c'est le lancement très prochainement du premier nanosatellite sénégalais, donc le Gaïndesat, qui devrait être donc le premier CubeSat lancé par le Sénégal. On espère en tout cas d'ici mi-2024 que ce soit déjà lancé. Nous travaillons déjà sur la programmation du deuxième satellite. La première constellation est sur notre ligne de mire. Nous espérons pouvoir disposer d'une première constellation de satellites à partir de 2028. Nous avons signé avec les partenaires et la machine est déjà en marche. On n'a pas de temps à perdre, en fait. Oui, le lancement, en effet, de Gaïndesat qui sera à bord d'une fusée SpaceX. On suivra ça de près. On parle de l'avenir du spatial sur le continent, mais l'histoire des sciences astronomiques au Sénégal n'est pas récente. C'est ce que vous avez découvert. C'est une histoire ancienne. Restez à l'écoute, on vous raconte. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec Maram Kérig, grâce à qui le Sénégal pose un premier pied dans l'espace. Nous venons de parler des projets nationaux qui se multiplient en Afrique et comment le Sénégal a franchi une étape majeure dans l'espace avec le lancement de Gaïndesat. Maram Kérig, vous vous intéressez aussi à l'histoire de votre discipline, l'histoire de l'astronomie africaine qui reste mal reconnue encore aujourd'hui. Bonjour Céline Ozen. Bonjour Natacha. Pour le reportage du jour, vous êtes intéressée au peuple des Dogons du Mali qui possédaient des savoirs astronomiques très avancés. Oui, le cas de Sirius ou Sigitolo est emblématique dans leur cosmogonie. Sur le site de Sanga au Mali, il existe un vieil observatoire où on scrutait un phénomène qui se produit tous les 60 ans, le lever héliaque de Sirius, une conjonction stellaire célébrée dans la culture Dogon qui soulève plusieurs questions. Comment connaissait est-il la période de l'étoile? Surtout, comment pouvait-il savoir, sans aucun instrument, l'existence de Sirius B ou de Potolo, le compagnon de Sirius? À la fin des années 90, l'astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bido a mené l'enquête pour résoudre l'origine de ces savoirs ancestraux. Comment les Dogons pouvaient connaître cette étoile en tant qu'étoile double? On n'a pas trouvé la réponse à cette énigme quand on a été sur place. En revanche, on s'est aperçu que les Dogons étaient vraiment des astronomes qui avaient effectivement érigé quelque part ce qu'ils ont appelé un observatoire pour observer Sirius. Et c'est ça le retour de notre mission. Malgré des années d'études chez les Dogons, qui étaient menées par des ethnologues, comme aucun astrophysicien ou astronome était venu sur place, personne ne s'était rendu compte que ces rochers, des blocs de pierre, mais qui ont, par rapport à une grande arche dans laquelle on se mettait pour observer, une orientation tellement particulière qu'elle montre exactement, à un moment donné de l'année très particulier, à la fin de l'été, que le soleil se lève dans une direction, au moment même où l'étoile Sirius se lève de l'autre côté, avec un certain écart que marquaient ces rochers. C'est pour ça qu'on appelle ça un observatoire, parce que si vous ne vous rappelez pas du phénomène, si vous voulez l'observer à nouveau, vous venez là et vous regardez et vous attendez de voir. Voilà. Et alors, le lever de Sirius avec le soleil s'appelle le lever héliaque. Ça ne se produit qu'une seule fois par an. Et donc, c'est un événement très, très particulier et très précieux pour déterminer la longueur de l'année. Parce que tout le monde peut déterminer la longueur du jour, évidemment, l'année alternance, du mois en se servant de la Lune, mais l'année, comment vous faites? Il faut repérer dans la nature un événement qui se répète de façon très particulière. Alors les Grecs avaient imaginé le mouvement du soleil à l'horizon qui se lève à différentes directions, mais c'est assez peu précis. Et les Égyptiens, les premiers, les Égyptiens des dynasties très très anciennes, il y a plus de 4000 ans par rapport à nous, utilisaient ce lever héliaque de Sirius pour déterminer le début de l'année avec une grande, très très grande précision. Et on a donc découvert par ailleurs que donc les Dogons avaient d'une certaine façon hérité une partie de l'héritage astronomique des Égyptiens anciens, puisque eux aussi, dans une autre région de l'Afrique, eh bien, ils utilisaient le même système. Donc là, on parle du site de Sanga, des Dogons, où se trouve cet observatoire. Et dans ce lieu-là, on célèbre à intervalles réguliers une fête qui est pétrie de croyances, mais qui est vraiment corrélée à ce phénomène astronomique. Alors oui, sans qu'on ait pu vraiment le démontrer, mais cette cérémonie, elle est très très émouvante. D'ailleurs, elle est très très spectaculaire, c'est pour ça que les Dogons ont été connus. Donc là, par exemple, c'est effectivement la danse lors de la sortie des masques, où les Dogons, avec leur tambour. Et là, on voit, donc là, c'est Germaine Dieterlin, donc là, cette dame avait 96 ans. Hein. Et c'est donc grâce à elle que j'ai pu découvrir l'observatoire, parce que Germaine Dieterlin m'avait dit, mais écoutez, il y a quelque part, on m'a dit, il y avait le rocher du Soleil et de Sirius. Et moi, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Et on est arrivé donc dans ce paysage, elle m'a montré, vous voyez, il y a l'arche, et là, on se met là pour observer le Soleil et Sirius. Et donc là, vous arrivez là. Là, on arrive et je prends mon petit compas et je prends la note des directions. Je mesure les distances parce qu'après, au laboratoire, je vais reconstituer. Voilà, je marche à grands pas en mesurant à chaque fois mes pas pour me dire, voilà, ça, c'est à 35 mètres dans cette direction. Là, c'est à 25 mètres dans l'autre pour déterminer la position précise de ce rocher-là, qui est le rocher du Soleil, qui est le plus au nord, finalement. Et on va voir tout à l'heure, dans le même plan, qu'il y a le rocher. Là, vous êtes installé sous le rocher. Sous le rocher, dans l'arche. Alors là, on ne peut pas se tromper, parce que l'arche faisait une espèce de niche où quelqu'un peut se glisser. Et donc là, on a filmé, image par image, évidemment, parce que ça prenait un certain temps de se dérouler, avec une caméra à film, hein, c'est pas des caméras numériques. Et on va voir, effectivement, alors donc là, le rocher de Sirius, c'est celui-ci. Et on va voir, alors le temps s'écoule, image par image, on fait effectivement, ça va nous durer 30 secondes, même pas. Un time-lapse, alors c'est très compliqué de le voir sur l'image, mais on va voir effectivement que le soleil va se lever, mais juste avant, vous allez voir un petit point lumineux. Et là, donc, là, avant que le soleil se lève, quand il fait encore nuit, on voit cette étoile se lever exactement dans l'axe du rocher, et tout à fait après, mais tout de suite après, on voit le soleil se lever en direction de l'autre rocher. Voilà, c'est ça. Cette connaissance sensible de ces phénomènes célestes et stellaires chez les Dogons, qui est aussi un outil calendaire, montre les savoir-faire de cette population ancestrale et peut-être aussi une méconnaissance de notre point de vue de cette astronomie, de ces cosmogonies africaines. Bien sûr, et on ne regrette qu'une chose, c'est-à-dire on a tout à l'heure souligné que les Dogons étaient un peu l'arbre qui cachait la forêt. Et pourquoi imaginer que les Dogons sont particuliers? Ben, je sais pas, d'autres populations dans d'autres parties de l'Afrique ont eu les mêmes préoccupations. Le problème, c'est qu'on n'a pas peu regardé l'Afrique. C'est-à-dire, moi, je pense que l'Afrique a beaucoup à nous apprendre si on voulait seulement s'y intéresser et l'écouter, si vous voulez. Mais à l'heure actuelle, il y a trop peu de choses qui ont été rassemblées. Mais il est évident, l'Afrique, c'est quand même, pour nous, on appelle ça l'Afrique comme s'il n'y avait qu'un seul pays. C'est 54 pays à l'heure actuelle, c'est 20% de la population mondiale, c'est le deuxième plus grand continent sur la planète, et pourtant, on est encore étranger à tout ce milieu-là, alors, conquête. Et donc, il est très intéressant à l'heure actuelle que des Africains eux-mêmes, parce qu'ils sont les seuls à découvrir ça, fassent leur enquête. On commence à découvrir des lieux, justement, où il y a des alignements de rochers, des choses comme ça. Je sais que, effectivement, ça se trouve assez facilement, comme moi, j'ai découvert cet observatoire, et pour le coup, c'est tangible, donc on n'a pas imaginer, oui, mais peut-être ils ont fait ça, peut-être ils n'ont fait pas ça. Et donc, cette richesse de l'Afrique, elle va forcément un jour ressortir, parce que c'est une société, c'est tout un continent qui a vécu pendant des milliers d'années. Et qui plus est, et ça, on l'a souvent éradiqué dans le rapport qu'on a fait de l'histoire de l'Afrique, c'est que l'Égypte ancienne, l'Égypte des pharaons, des 4000 ans d'histoire avant même toute histoire en Europe, a été complètement connectée à l'Afrique. On a voulu tricher en leur apportant le monde méditerranéen sous prétexte que quelques Grecs se sont installés à Alexandrie. Mais non, on sait qu'il y a des pharaons noirs, donc on sait qu'effectivement toute cette culture a été irriguée dans les deux sens. Et d'ailleurs, on peut montrer que dans les temps plus anciens, comme le réchauffement n'était pas encore là, les déserts ne se sont pas installés et il y avait des communications par voie fluviale beaucoup plus importantes. Et donc, les Dogons indirectement nous montrent ça. Les Dogons montrent que de toute façon, une population qui est relativement assez loin, maintenant le Mali est assez loin de l'Égypte, hein, faut traverser le Soudan, etc. Eh bien, eux, ils ont cette tradition de connaissance. Donc, en fait, l'Égypte, 4000 ans avant notre ère moderne, a déjà irrigué toute l'Afrique. Donc, il en reste forcément quelque chose. À nous de le découvrir, ou plutôt aux Africains de le découvrir. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Maram Kéré, vous aussi, vous avez aidé à découvrir des traces d'astronomie antique au Sénégal. Vous avez fait une découverte sur des sites mégalithiques dans la région sénégambienne. Écoutez, c'est magnifique ce reportage. Je passerai des jours et des jours à le réécouter. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici quand on faisait le tournage. J'ai demandé à ce qu'on aille au niveau de la région sénégambienne voir ces mégalithiques, ces cercles mégalithiques. Donc, on a la plus grande concentration de cercles mégalithiques au monde. C'est plus de 1900 cercles. Et ce que nous avons pu voir, en fait, c'est les mêmes types d'alignements dont parlait Jean-Marc Bonnevideau, et avec une précision qui est incroyable. Nous avons pu prendre quelques échantillons. Ce qu'on peut retenir très rapidement, c'est que ils avaient une très bonne connaissance de l'orientation, donc des moments de lever et coucher du soleil, les équinoxes, les solstices, tout ça a été parfaitement représenté avec ces cercles mégalithiques que nous avons pu étudier. Alors, on s'est amusé avec le GPS à vraiment revoir les positions, mais la précision, elle est incroyable. Et il y a une pierre qui a été considérée par les archéologues comme étant un déchet, excuse-moi, du terme, en fait. Ils considéraient que c'était un fragment de roche abandonné. Alors, en faisant des études sur ce fragment de roche, on s'est rendu compte que c'était l'élément le plus important de tout le site et qui permettait donc de reconstituer non seulement une boussole au sol, donc les coordonnées, mais au-delà de ça, de représenter jusqu'à un alignement de 23 degrés qui correspond à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Alors, la question, c'est, il y a 3000 ans, 2500 ans, comment on peut arriver à ce niveau de précision sans avoir les connaissances astronomiques nécessaires? Ça ne peut pas être le fruit du hasard de retrouver ça au Sénégal, de retrouver ça chez les Dogons au Mali. Il a parfaitement raison. Je pense qu'on a une très belle page de l'histoire de l'astronomie à écrire à partir du continent africain, et ça demande des moyens de faire de la recherche, mais il y a énormément de choses à découvrir. Ce que ces sites mégalithiques nous ont permis de comprendre, je pense que ce n'est que la toute petite partie visible de l'iceberg, et il y a d'autres choses à découvrir. Mais j'invite vraiment tout le monde à venir ici dans la région sénégambienne et de voir ces merveilles qui sont là au sol. Oui, vous avez donc découvert que ces 1900 cercles qui ont été construits entre 2000 et 3000 ans ont été donc positionnés sur la base de connaissances astronomiques très fines. Pour vous, Marianne Carré, c'est capital cette médiation sur les traces d'une astronomie dans la civilisation musulmane et sur le territoire sénégalais. Oui, tout à fait. C'est capital, c'est fondamental. L'Afrique a une histoire et je pense que il l'a si bien dit. Il est tout à fait normal au moment où je pense. Les civilisations actuelles se cherchent, où on n'est pas forcément aligné par rapport aux ambitions que l'humanité devrait avoir en commun. Je pense qu'il est tout à fait normal parfois de regarder en arrière et de se dire que il est temps de revoir notre considération par rapport à l'Afrique, de ne pas considérer ce continent comme étant juste un endroit où tout a été importé. C'est heureux d'entendre Jean-Marc parler comme ça de ce site avec les Dogons, mais pour la plupart des personnes avec qui vous abordez la question, la réponse est systématique. Oui, mais bon, c'est parce qu'ils ont été en contact avec les explorateurs qui sont venus. J'ai dit, c'est pas les explorateurs qui ont mis ces mégalithes dans cette zone sénégambienne sur plus de 700 kilomètres de distance et qui ont mis 2000 à 3000 ans pour mettre tout ça. Donc, revoir la considération par rapport à l'Afrique, et ces genres de découvertes peuvent aider, en tout cas à se poser les bonnes questions, se mettre autour de la table et de voir comment envisager un futur où l'Afrique sera au cœur de cette histoire des sciences, de cette histoire de l'astronomie également. On est arrivé à la fin de cette émission. Un petit mot pour vous annoncer un événement qui nous tient à cœur. C'est la 3e édition du Printemps de l'Esprit Critique qui interroge cette année le rapport des Français à l'IA. Avec la parution aujourd'hui du baromètre de l'Esprit Critique réalisé par la Cité des Sciences, toutes les informations sont en ligne sur printempsdelespritcritique.fr. Merci Mariam Kéré d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Merci à vous et merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD, Eve Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.